soir c'est nice, y'a la famille. On fait la teuf, oublie tes soucis. Un verre de Jagda, on est parti. Si les mecs reconnaissent, Jox Boubou c'est la grise. Si les mecs reconnaissent, je reste le même négro depuis des années. Le même tu peux croiser en casquette bonnet. Le même en terrasse que tu peux voir siroter. Le thème est ambiancé, qui veut s'y frotter? Certains finiront cheatés, d'autres sont alcoolisés. On a mis la charrette avant les bœufs, ce soir c'est danger. Ce soir c'est nice, ce soir c'est classe. Mes têtes cramées, brille devant la glace. Zappé smoking, j'crois bien qu'on fait notre place. Alerte la populace, qu'on va se mettre bien. J'invite mes sœurs, j'invite mes frangins. L'ambiance est conviviale, si t'as la tchatch, c'est festival. La disquette est rapide, serre-moi mon verre et vive. Hey, ils veulent ambiancer. Génération 80, le bas est cassé. Oh, pour mes aînés, font qui attitude, lâchez-vous, arrêtez de penser. Hey, ils veulent ambiancer. Génération 80, le bas est cassé. Oh, lâchez-vous, arrêtez de penser. Ce soir tu peux constater, Mike Leak fait couler le champagne. Petit détour par le dauphin, d'Héraclie nous accompagne. L'équipe comme d'hab, ZOZO. PEC sortira le polo, Toffer et gay, rouleuse du ghetto. C'est bon, j'arrête, j'déconne. Y'a Durex, Ali, Massophone. Moi dans la Gova, pété à freestyler. Teddy la mif, m'habille un avec ses DSP. Désolé les gars, la faute de spi. La mafia noire nous attend, ce soir c'est folie. Du sûr, ça va claquer du yébi, ça va claquer. Sécher les filles, ça va avaler des skédis. Illégal mais élégant sur la banquette. C'est comme une partie de foot avec la braguette. Ça parle de passe en profondeur, de stratégie. Ça finit en after et en orgie. Hey, ils veulent ambiancer. Génération 80, le bas est cassé. Oh, pour mes aînés, font qui attitude. Lâchez-vous, arrêtez de penser. Hey, ils veulent ambiancer. Génération 80, le bas est cassé. Oh, lâchez-vous, arrêtez de penser. Jox négro dans les Jox négro, ça fait mal. Au bord de la piscine, je braise mon zamal. Ça attire des amatrices, l'odeur manque carotte. Si tu restes assis, tu vas voir ce qu'on dérobe. J'en place une pour Drix et Ike, chien mec. On vit là les kilomètres, ça parle de schneck. On connaît les palmarès de chaque mec. Bref, passons. Hey, ils veulent ambiancer. Génération 80, le bas est cassé. Oh, pour mes aînés, font qui attitude, lâchez-vous, arrêtez de penser. Hey, ils veulent ambiancer. Génération 80, le bas est cassé. Oh, pour mes aînés, font qui attitude, lâchez-vous, arrêtez de penser.